Section 34 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 7. Troisième partie. Louis VIII. Par Rachille Lucher. Le règne de Louis VIII, règne de 3 ans, fut le prolongement et comme la conclusion de celui de Philippe Auguste. Simple prince royal pendant toute la vie de son père, investi seulement de la seigneurie d'Artois, où il fit son apprentissage d'administrateur, Louis n'avait été qu'un instrument docile entre les mains du conquérant. Celui-ci, sans l'associer officiellement au pouvoir, l'employait dans ses guerres contre les Plantagenets ou l'envoyait à la frontière négocier avec la Lorraine ou l'Allemagne. L'expédition malheureuse d'Angleterre, 1216-1217, fut l'œuvre personnelle du prince, mais fit moins honneur à sa clairvoyance qu'à son courage. Devenu roi à 36 ans, avec une réputation déjà faite de soldat et de diplomate, Louis VIII héritait d'une puissance qui ne rencontrait plus de rival, en France comme en Europe. S'il n'avait pas le génie politique de Philippe Auguste, il lui était supérieur par les vertus privées et par le sens moral. La royauté resta trop peu de temps entre ses mains pour qu'il ait pu lui imprimer une direction nouvelle et faire prévaloir sa politique propre. Au moins faut-il lui savoir gré d'avoir consacré son intelligence et ses forces à compléter l'œuvre de son prédécesseur. Un seul fait remplit le règne de Louis VIII, sa brillante chevauchée à travers les pays de l'Ouest et du Midi. Il n'eut que la peine de recueillir ce que son père avait semé. La conquête du Poitou, la guerre des Albigeois et la royauté capétienne. La mort avait surpris Philippe Auguste au moment où il songeait à reprendre la conquête inachevée du Poitou et à refouler les Anglais au-delà du grand fossé de la Garonne. Il fallait utiliser ses préparatifs et mettre à profit les circonstances favorables. À peu près abandonné par le gouvernement pacifique d'Hubert de Bourg, chancelier du roi d'Angleterre Henri III, les communes du Poitou et de la Saintonge aspiraient à un pouvoir fort qui les défendit contre la féodalité locale. Le plus puissant seigneur de cette région, le comte de la Marche, ne demandait, pour entrer en pleine révolte, qu'une alliance avantageuse avec les Français. Le traité fut signé et la campagne de 1224, rapidement menée, fit tomber Niort et La Rochelle entre les mains de Louis VIII. Ce coup décisif amena la soumission de tout le pays aquitain jusqu'aux frontières de la Gascogne. Bordeaux même se sentit menacé, 1225. Au lieu d'envoyer des soldats, les ministres de Henri III faisaient de la diplomatie. Ils intriguaient avec le faux Baudouin, comte de Flandre, avec les comtes de Toulouse et de Bretagne, surtout avec le pape qui ne cessait d'intervenir au nom de la paix générale pour arrêter l'armée française. Louis VIII, fort d'une alliance secrète conclue avec l'empereur Frédéric II, laissait la cour de Rome s'épuiser en réclamations platoniques et continuait sa marche victorieuse. On ne sait jusqu'où il l'aurait poussé si brusquement il ne s'était détourné de la France du sud-ouest, attiré par l'appât d'une autre conquête, plus facile peut-être, plus féconde au moins, pensait-il, en résultats immédiats et positifs. La guerre des Albigeois recommençait avec une intensité nouvelle, mais au profit cette fois des hérétiques et du comte de Toulouse, Raymond VII. L'œuvre des papes et de la maison de Montfort semblait sérieusement compromise. L'incapable successeur de Simon de Montfort, son frère Amaury, voyant s'échapper peu à peu de ses mains toutes les acquisitions des croisés, en arriva bientôt à user de sa suprême ressource, qui était de remettre au roi de France la direction de l'entreprise et la possession des pays conquis, 1222. Philippe Auguste, aux fins politiques, pour n'avoir pas prévu et peut-être escompté ce résultat, était venu en aide à la détresse d'Amaury. Mais il ne l'avait soutenu que par intermittence, jamais assez pour lui assurer la victoire. Il refusa toujours de s'engager personnellement dans la lutte et n'essaya même pas de recueillir l'héritage qu'on lui offrait. Louis VIII, plus jeune et plus actif, pouvait se montrer moins circonspect. Sa piété sincère lui faisait un devoir de céder aux instances des papes et de jouer ce rôle de défenseur de la foi qui s'accordait si étroitement dans cette affaire avec les intérêts de sa couronne. La croisade fut donc résolue. Le cardinal de Saint-Ange, envoyé à Paris avec des pouvoirs extraordinaires, aida le roi à l'organiser. Au concile de Bourges, on vit Raymond VII, excommunié, rompre ouvertement avec l'Église, et Amaury de Montfort abdiquer pour toujours ses droits en faveur du Capétien. L'argent manquait, on eut pourvu en pressurant le clergé et le peuple. Leur mécontentement éclata, mais on passa outre. Ne s'agissait-il pas d'une entreprise agréable à Dieu ? Réunie sous la bannière de son roi, la France du Nord courut se jeter une fois de plus sur celle du Midi. L'issue de la lutte, si tant est qu'on dut résister, n'était pas douteuse. Plusieurs mois avant l'arrivée de Louis VIII en Languedoc, nombre de villes, de seigneurs, d'évêques surtout, s'empressèrent d'envoyer à Paris leurs offres de service ou leurs soumissions. Les méridionaux, terrifiés, se déclaraient vaincus d'avance, et le comte de Toulouse s'aperçut bientôt qu'il était seul. S'il n'avait pas fallu assiéger Avignon, dont les bourgeois s'obstinèrent à refuser au roi le libre passage du Rhône, la guerre sainte n'eût été, du commencement à la fin, qu'une marche triomphale. Louis VIII, après sa promenade militaire dans tout le Languedoc, s'arrêta devant Toulouse, qu'il ne prit pas, et se contenta d'esquisser l'organisation de sa conquête. Fatigués de la longueur de l'expédition, les hauts barons commençaient à s'agiter. L'armée royale fondait, décimée par les maladies. Il fallut reprendre le chemin du Nord. Mais un grand résultat était acquis. Pour la première fois, la royauté capétienne avait paru en armes dans le Languedoc et s'y constituait un domaine, progrès décisif vers l'unité nationale. Peu de règnes avaient débuté aussi glorieusement. Par malheur, celui-ci en resta au début. Louis VIII, terrassé par la fièvre en Auvergne, n'eut même pas le temps de revenir mourir à Paris. Il disparut dans son triomphe, et cette mort imprévue allait ouvrir pour la dynastie et le royaume une crise d'une extrême gravité. 1226. Les apanages. Avant de mourir, il avait donné un exemple fâcheux et fait une faute que Philippe Auguste n'eut pas commise. Les rois, ses prédécesseurs, ne constituaient pas d'apanage à leurs enfants, ou n'aliénaient en leur faveur que des fractions insignifiantes du domaine royal. Louis VIII rompit avec cette tradition. Il assigna par testament à ses puînés des territoires étendus, le comté d'Artois pour son second fils, les comtés d'Anjou et du Maine pour le troisième, les comtés de Poitou et d'Auvergne pour le quatrième. Le mobile qui le portait à opérer ce partage était le désir de prévenir toute discorde entre ses fils. Il prenait d'ailleurs ses précautions et stipulait que ses apanages feraient retour à la couronne dans le cas où leur possesseur mourait sans héritier direct. Ce testament n'en fut pas moins une œuvre impolitique. On vit se constituer, au milieu du XIIIe siècle, de vastes dominations princières que des liens étroits rattachaient au domaine royal, mais qui, en dépit de la parenté et de l'hommage féodal, pouvaient créer de sérieux embarras au chef de la monarchie. Les historiens ont souvent insisté sur le danger de ces créations d'apanage, qui faisaient de la fécondité de la maison royale une calamité publique, mettaient en question à chaque règne la puissance de la branche régnante et retardaient la formation de l'unité territoriale du royaume. En remplaçant par une féodalité apanagiste l'ancienne féodalité indépendante, le gouvernement royal ouvrait une nouvelle ère de dissensions intérieures et de luttes acharnées. Mais s'il est certain que l'initiative de Louis VIII devait avoir surtout pour la royauté du XIVe siècle un résultat funeste, il faut tenir compte pour la juger de certaines circonstances atténuantes. Avec le degré de puissance et de gloire qu'atteignit la dynastie sous Philippe Auguste et ses successeurs, il était bien difficile que les frères du chef de l'État fussent réduits à une condition trop inférieure à celle des barons de premier ordre. On ne pouvait les laisser dépourvus de ces possessions territoriales qui étaient alors le signe d'une haute naissance et l'accompagnement obligé de toute situation élevée dans le monde féodal. D'ailleurs, comme on l'a dit excellemment, les apanages furent pour la monarchie un moyen de gouverner les pays conquis, en leur donnant des dynasties tirées de son sein. Ces dynasties, remplaçant les anciennes lignées féodales dans les provinces, y transportèrent la noblesse, la langue et les mœurs de la France centrale. Le gouvernement des princes apanagistes fut ainsi, pour ces provinces, une période de transition pendant laquelle elles s'accoutumèrent à accepter plus docilement la domination capétienne. Mignet. Fin de la section 34.